France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 105. Bienvenue à toi. Dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 27 janvier 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es à la recherche de nouvelles expériences, tu es aux frontières de l'inexploré, tu es effrayé par la nouveauté, tu es candide et novice, tu n'es plus jamais comme avant, et tu es aussi... T'avais jamais embrassé un mec, toi? Pourquoi tu dis ça? Bah, t'as la langue statique. J'ai jamais cru que le sexe était une partie de plaisir, mais je pensais pas non plus que c'était débile à ce point. Oui, tu l'auras compris, l'ami, ce matin, tu perds ta virginité, tu es première fois. Alors, comme chacun sait, nos histoires individuelles ou collectives sont une succession de premières fois. En ce moment, aux States, par exemple, un black casse la baraque et pourrait bien devenir le premier noir à s'installer à la Maison Blanche. Nous, à la panique, pour la première fois. Nous n'allons pas prononcer le nom de Nicolas Sarkozy dès l'introduction. Ah, ben raté. Bon bah tant qu'on y est, la semaine dernière, pour la première fois, Nicolas Sarkozy est devenu moins populaire que François Fillon, dis donc. Mais bon, concrètement, c'est quoi une première fois? Eh bien, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, d'essayer de revivre avec toi tes premières fois, mais toutes tes premières fois. Ainsi, pour commencer, de la côte à la pomme d'Adam, nous allons jeter un œil sur les récits bibliques afin de revisiter l'histoire du premier homme et de la première femme, bien sûr. Ensuite, nous nous intéresserons durant quelques minutes aux conséquences que peuvent engendrer parfois les premières fois imprévues. Et dans la foulée, justement, nous t'offrirons un petit montage de la toute première rencontre entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Et puis, nous te dévoilerons que pour devenir un authentique homme d'État, il faut être avant tout un précurseur. Autrement dit, ne pas avoir la trouille d'innover et de tenter des trucs pour la première fois. Et enfin, nous te raconterons comment Monique et Jean-Claude n'ont nullement redouté le week-end dernier la succession de premières fois qu'ils ont dû affronter. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et saute dans l'inconnu. can't get you out of my head, c'est ce que constate Kylie Minogue. Impossible de te chasser de ma tête. Un peu comme une chanson que tu écoutes pour la première fois et qui devient une rengaine, que Raymond Devos définissait d'ailleurs comme un air qui commence par rentrer dans l'oreille et qui au final te sort par les yeux. Alors ce matin, la panique au Mansion Palace a donc eu l'idée saugrenue de s'intéresser aux premières fois. En effet, dans la vie, tout est première fois, mais avec des échelles différentes. Soit il peut s'agir d'une première fois dans l'histoire de l'humanité, ou bien d'un moment particulier dans l'existence de chaque individu. C'est pourquoi, pour débuter cette émission, nous avons décidé d'aller rendre visite à celui pour qui chaque première fois individuelle fut aussi la première fois pour l'humanité, à savoir Adam, bien sûr. Et quand on y réfléchit bien, la naissance d'Adam elle-même, c'est une première. Le premier bébé éprouvette, ou plutôt le premier bébé conçu hors du ventre de sa mère, a été mis au monde un peu avant minuit. C'est incroyable, absolument incroyable. D'où je viens ? Personne ne sait. En attendant, je vous dis que je suis sûr. Et en effet, Adam, le premier homme d'après la Bible et le Coran, est seul au monde. Et c'est sous les yeux de Dieu, son père, qu'Adam, un peu malheureux de ne pas être accompagné, fait ses premiers pas. Il va prendre un risque énorme. Son malheur va le pousser à faire une découverte prodigieuse. Il mesure 1m30. À quatre pattes dans la savane, il ne sait plus où il va. Alors, il se dresse sur ses deux pattes arrière. Et là, il voit. Il voit. Ça y est, il est bipède. C'est un petit pas pour l'homme, un giant leap pour mankind. C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité. C'est peut-être un bond de géant pour l'humanité, mais c'est surtout pour Adam l'occasion de découvrir de nouvelles sensations. Font leur pipi contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures. Pisser debout, ça les rassure, les hommes. Sont leur tige horizontale, leurs petits siphons, leurs deux babales. Peuvent jouer à la bataille navale, les hommes. Sauf que pour jouer à la bataille navale, il vaut mieux être deux. C'est donc dans un dessin ludique que Dieu a eu l'idée géniale de créer la femme. Ainsi, pour la première fois, un homme rencontre une femme avec qui il va pouvoir partager ses doutes. Il y a plein de choses que je comprends pas. Oui, plein. Pourquoi est-ce qu'on entend la mer dans les coquillages ? Pourquoi j'ai tout à coup des drôles de poils qui poussent ? Et tu sais, plus j'y pense, plus je suis sûr qu'il doit y avoir un livre qui réponde à toutes les questions. Eh bien, je souhaite qu'il tombe du ciel tout à coup. Alors je le lirai jusqu'à tout savoir sur tout. Oh, personne ne doit tout savoir sur tout. Il n'y a que le bon Dieu. Bon Dieu. Lui et le Père Noël nous ont pas aidés en attendant. Comment ça ? Le Père Noël au paradis ? Non mais ça va pas, Adam, là. Faut être un peu sérieux tout de même. Le premier homme se trouve donc dans le jardin d'Éden avec la première femme. Et très vite, Adam n'a qu'une envie. Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais, cela ne se fait pas. Pourtant, j'aimerais que ce soit elle qui vienne à moi. Car voyez-vous, je n'ose pas. Mais hélas, Ève ne fait pas le premier pas et Adam n'ose toujours pas. Ève, elle est assez distante. Bon, c'est vrai, parfois, elle tente de décoincer la mâchoire du premier homme. Et elle propose, bon, allez, tu viens boire un verre, Adam. Et ce genre de jeu de mots laid, ça l'énerve terriblement, Adam. Ah non, je refuse de vivre avec toi pour toujours. Et d'abord, je te déteste. Tu te moques tout le temps de moi et puis tu me caches plein de choses, alors je te dis tout, moi. Je t'ai vu occupé à jouer avec ton zizi. Je le dirai à ton père quand il viendra. Oh, toi alors, quel chipie! Et figure-toi que j'ai vu ce qui se passe juste après. Sale chipie, ça se fait pas d'espionner, moi je t'espionne menteur, pas. Menteur, tiens-toi, tu regardes tout le temps mes roploplos. Peut-être, mais reconnais qu'ils sont marrants. Tu fais ouchikouchi. Oh, t'es dégoûtant. Ouchikouchi, ouchikouchi. Arrête. Ça vit, ça balance. Et c'est ainsi que, de découverte en découverte, Adam a expliqué à Ève ce qu'il attendait réellement. Faire l'amour la première fois. Et ce jour, tu ne l'oublieras pas. Ce sera rien que pour nous deux. Un souvenir si merveilleux. Et en effet, quand Ève a dit oui pour la première fois, pour Adam, ce fut une sensation merveilleuse. Wouhou ! Je suis le maître du monde ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Ainsi donc, cette première fois avec Ève a offert à Adam d'incroyables émotions qu'aucun homme n'avait connu avant lui. Cela dit, Ève aussi a découvert le plaisir de la chair, ce qui n'a cessé de surprendre Adam. Elle me fait faire des trucs que j'aurais jamais cru, des trucs tordus. Elle porte des perruques, des dessous farfelus, avec des clous pointus. Elle prétend que le fouet ça m'éduque, en écrasant son pied sur ma nuque. Pour peu que je bougonne, elle me baillonne à coups de Chatterton. Oh, oh, non. Grâce à Ève, Adam a donc vécu des premières fois diverses et variées. Et puis, il y eut ensuite dressage de serpent, chaussons aux pommes et première garde-robe. Mais bon, quand Dieu le Père s'apprêta à chasser Adam du jardin d'Éden, puisqu'il avait croqué la pomme, le premier homme ne put s'empêcher de défendre la première femme. Jamais de la vie, on ne l'oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras, la première étrangère à qui l'on a dit tu. Mon cœur, t'en souviens-tu comme elle nous était chère, qu'elle soit fille honnête ou fille de rien, qu'elle soit pucelle ou qu'elle soit putain, on se souvient d'elle, on s'en souviendra, la première fille qu'on a pris dans ses bras. Toi qui m'as donné le baptême d'amour et de septième ciel, moi je te garde et moi je t'aime, dernier cadeau du Père Noël. Non, non, non, je ne suis pas le Père Noël, a hurlé Dieu au pauvre Adam qui décidément confond les deux barbus. Voilà, pour Adam et Ève, quitter le jardin d'Éden, c'est l'occasion de vivre de nouvelles premières fois. Enfin, faut tout de même qu'Adam se bouge, parce que Ève, elle ne va pas rester plantée là, comme une pelle, car ici, c'est mortel. Me voilà accoudé, la plantée comme une pelle, viens me débaucher, ici là c'est mortel. Oui, viens me rebrancher, viens m'allumer un peu, viens tourner les compteurs, mettre le feu. Ici c'est le bordel. Je déteste surtout les cow-boys fidèles, bien sûr les shérifs aux étoiles sans ciel. J'ai bouffé des saloons, des putains de ta mère, des bouteilles dans le miroir fracassées derrière. Ici c'est le bordel, y'a plus d'une amour, à la pompe à diesel, on est à court. Aventure galante, une drôle d'histoire que nous contait le malicieux Fernandel en 1968. Année où, pour la première fois, Cohn Bendit nous allait montrer sa verve dans l'espoir de jouir sans entrave, puisque souviens-toi, saisir... On s'est trompé en fait de des annonces en fait, là, évidemment. C'est pas grave, c'était Maya Barsoni, on envoie la virgule. Oh là là, oh ma mère, aïe aïe aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh là là là là. Alors maintenant, l'horloge du Manche à Palace nous indique qu'il est 11h21 et après avoir revisité les écrits bibliques des toutes premières fois de l'humanité, il est temps désormais de nous intéresser durant quelques minutes aux premières fois imprévues. Tu sais, celles qui surgissent parfois dans nos vies. Oui mon ami, il arrive qu'une première fois te chope par surprise. Il y a très longtemps, vois-tu, vivaient trois sœurs, les sœurs Gorgones. Méduse, la cadette, était sans aucun doute la plus belle, d'une beauté inégalable, et ses prétendants se comptaient par milliers. Parmi eux, le dieu des mers, le boss, le BOSS des embruns, Poséidon lui-même. Ce dernier, omnipotent, décida d'enlever la belle Méduse et de l'enfermer dans le temple d'Athéna, afin qu'il puisse être le seul à en profiter. Seulement voilà, bientôt, Athéna ne supporta plus une telle beauté concurrentielle en sa demeure. Alors, pour se venger, la déesse transforma Méduse en un monstre fabuleux, aux cheveux de serpent, aux dents de sanglier et aux ailes d'or. Son visage était devenu si laid que dorénavant, tous ceux qui regardaient Méduse pour la première fois étaient frappés de stupeur. Eh bien, figure-toi qu'il arrive encore régulièrement que la stupeur d'une première fois inattendue puisse en effet te méduser. Et Bernadette s'agenouille, Madame Millet aussi, elle récite le chapelet, et tout d'un coup Bernadette s'arrête, la voilà. Marie Douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Et la dame sourit, et pour la première fois, elle parle. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie Colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'ai déjà dit 100 000 fois sur tous les temps. Elle le dit en patois, car c'est toujours en patois qu'elle va parler à Bernadette. On s'en étonnera, et monsieur le curé lui dira brusquement, si tu crois qu'au ciel on sait le patois... Et qu'est-ce qu'il en sait, monsieur le curé? La foi ne peut s'accommoder de certitude, c'est évident. Encore que, ça dépend. Tiens, prenons l'exemple de saint Paul. Persécuteur acharné des premiers chrétiens de Jérusalem, un jour, alors qu'il prend le chemin de Damas, Paul rencontre Dieu en vrai, pour la première fois et de manière impromptue. Ce fut dès lors la révélation, puis la conversion. Ainsi, en effet, certaines premières fois peuvent te conduire à considérer le monde autrement. À chacun son chemin de Damas, bien sûr. Le tapis rouge qui recouvre les marches du Palais des Festivals à Cannes est en train de vivre, à l'heure où je vous parle, une première mondiale. Lui qui est habitué aux starlettes en escarpins, aux fines bottines des acteurs américains, est actuellement foulé pour la première fois dans l'histoire du festival par la modeste chaussure du premier secrétaire du Parti communiste français. Oui, vous l'avez bien compris, Robert Hue gravite en ce moment les marches du Palais des Festivals pour participer à l'exercice le plus mondain de la planète. Pour moi, c'est un moment très fort. Extérieurement, il y a cette effervescence. Sans cette magie, c'est tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a pris, bordel, de casser la cabane ? Alors, certes, vivre une première fois à laquelle on ne s'attendait pas peut donc entraîner une révélation fondamentale. Cela dit, il arrive également qu'une première fois provoque de véritables désagréments. Prenons l'exemple d'un jeune journaliste radio. Ce jeune homme vient à l'antenne pour son premier flash. Il semble détendu, seulement voilà, l'émotion de cette première fois le cueille à froid. Pitre, bon vivant, surtout chanteur populaire qui a fait se trémousser petits et grands dans les années 70 et 80 avec ses tubes comme Big Bisou, Rosalie ou encore l'énormissime Tiroli Pimpon. Carlos s'est éteint ce matin, 64 ans, des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière... bon courage. bon. Eh ben, c'est bien la première fois qu'on souhaite bon courage à un mort. Mais c'est l'émotion, ça aussi. Enfin, attends. Là, j'entends tout le monde qui glousse suite à ce premier flash sur la mort de Carlos. Mais franchement, lorsque tu es novice et qu'il faut t'affronter une première fois dans l'urgence, il y a de quoi perdre ses moyens. Et j'aimerais bien t'y voir, tiens. Vous êtes déjà assisté à une opération ? Non. Je trouvais bien la première fois, c'est un drôle d'effet. Quand le chirurgien découpe le cuir chevelu et qu'il le pèle comme une orange, déjà t'es pas fier. Mais quand il attaque l'os du crâne avec le crépant, bzzz, et que tu vois apparaître la cervelle là-bas en dessous, t'as intérêt à t'accrocher. Vous pouvez pas parler d'autre chose, non ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Vous voyez pas qu'elle a la trouille ? Cela dit, lorsque ton entourage doute de ton flegme et de tes capacités devant certaines situations, justement, eh bien, leur imposer une première fois inopinée de ton propre chef, donc, c'est peut-être l'occasion de grandir un peu plus à leurs yeux. Souviens-toi. Un jour, il devait avoir 4 ans et exiger que je lui retire les petites roulettes de son vélo. D'abord, j'ai refusé, j'avais peur qu'il se fasse du mal. Ensuite, sa mère a tellement insisté que j'ai fini par céder. Encouragé par son père et par sa maman, il va faire du vélo comme les grands. Il est monté sur son vélo, il est parti tout droit, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Accusé de s'être exercé chez un copain, pas du tout. Sans les petites roues qui stabilisent, va falloir qu'il improvise. Notre équilibriste s'élance sur la piste. Il est monté sur son vélo, il est parti tout droit, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Accusé de s'être exercé chez un copain, pas du tout. J'étais réveillé en se disant, je sais faire du vélo. Et c'était vrai. Savoir tenir sur un vélo pour la première fois, c'est une étape importante dans la vie. Mais il y a quelques années encore, il existait, pour nous les hommes, une autre étape fondamentale, certes, à laquelle nous nous préparions psychologiquement, mais qui nous offrait toujours son lot de jolies surprises lorsque tu débarquais pour la première fois. Je me suis présenté tout nu devant un infirmier. Moyennant 10 sacs, il m'a dit, moi je peux vous aider. Je me voyais déjà retournant chez moi. Mais quand ils m'ont dit que j'étais bon pour 18 mois, à ce moment-là, juste derrière moi, j'ai entendu rire un type que je ne connaissais pas. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, un matin de printemps m'a fait comprendre comment gagner du galon. Sans balayer la cour, en chantant simplement quelques chansons d'amour. Alors maintenant, toujours dans le registre des premières fois inattendues, nous avons retrouvé ce document sonore exceptionnel où Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy se rencontrent pour la toute première fois sur un plateau télévisé. Moment curieux, nous sommes en 1993 chez Paul Amar dans la foulée des élections législatives remportées par la droite. Nous avons habillé quelque peu cette rencontre, alors découvrons cela ensemble. Juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Vous êtes bien jolie, Madame Royal. Non. Je reconnais à son langage la fille de France. Vous avez raison. Voilà, Madame, voilà. Pour le discours, permettez-moi de vous dire... qui était un discours de haine. Alors, que je ne peux pas accepter parce qu'il nous insulte et il insulte nos électeurs. Écoutez, en attendant que Ségolène Royal vous réponde... C'est fatigant, mais arrêtez, les téléspectateurs sont là pour voir que ce que vous dites est complètement à côté des clous. Enfin, un discours de haine, agression, mais écoutez, arrêtez. Je savais plus quoi faire, paralysé. Laissez-nous un peu respirer quand même. Mais qu'est-ce que ça va être dans l'Assemblée nationale de demain ? C'est quand même terrible, écoutez, ce discours excessif. Là, ça y est, c'est le rouleau compresseur qui commence. Ça suffit à la fin. Ne me parlez pas sur ce ton quand même. Je savais plus quoi faire, paralysé. Quand je t'ai vu là, pour la première fois. Madame. Respectez vos interlocuteurs. C'est pas parce que nous serons demain dans l'opposition et que nous reconstruirons. Oui, monsieur Sarkozy, nous reconstruirons. Deux premières fois. Moi, je fais partie de la nouvelle génération et je considère que ce n'est pas un drame, figurez-vous, l'alternance. Attendez, c'est madame, la démocratie, madame et à messieurs. Condition qu'elle ne soit pas écrasante. Et ça, tous les Français peuvent le juger. Tous les Français le savent qu'il ne faut pas que cette alternance soit écrasante. Si la première fois, tu ne réussis pas, il faut essayer une seconde fois. Vous avez déjà tous les pouvoirs dans les départements, dans les régions, au Sénat, les pouvoirs économiques, les pouvoirs financiers, bien souvent les médias aussi. Alors, si la seconde fois tu ne réussis pas, il faut essayer une troisième fois. Bon, écoutez, ça, quand non, même. Non, non, non, non, non, non, vous allez, non, non, mais non, vous allez répondre. On a déjà parlé. Non, non, non, j'ai dit non, non, non, non. Basin, a raisin in the sun was amazing. The joint on the dresser, a gauge went on. Jumped up, fish tank, it fell. Renee stuck, they shot a cousin, LaVon, Neo the Buck. Willie was awful, pulled out the ratchet, let off two. Grits fell on his leg, Kiana ripped him cold, Bowie Valen. A Allen nigga with the talent of six killers who just came home from straight rallying. Oh. I don't know why, nobody told me. Bitch out the path mark, she's pushing the cart, headed to Al Ford. Damn, I got milk on my clocks, that's what I get. Not focusing from hitting that bar. My mouth dry, need plenty water quick, I feel like a shark. In the Al, busting them paper towels and wiping my wallies down. I stood up to face a barrel, he's holding a shiny pound. It's him, he want revenge, I murdered his Uncle Tim. I sold him a bag of dope, his wife came and copped again. Was a snatch, the ratchet said fuck it and fucking grabbed it. I ducked, he bucked twice. This nigga was fucking laughing. I wrestled him to the ground, tussled, scuffled, constantly kicked him. He wouldn't let go the joint, so I fucking bit him. Shots was whizzing, hitting Clorox bottles, cussing and screaming. Then the faggot ran out of hollows. I had to show him what it's all about. Next day, we reading the paper. A man who came to kill gets knocked out. Grab me a Dutch, I'm mad as fuck, my dude. My count was short when I was bagging it up. Now I need liquor, nigga, pass me a cup. What's up with Officer Brown? The other day he tried to shackle me up. He killed Case and now he hassling us. This motherfucker got balls, even the gall to try and patting me up. Time to re-up, let these niggas know we back on the block. With 300 off a G-pack, cracking the spot. The heart gently weeps, autrement dit, le cœur pleure doucement. C'est ce que constatent sur leur dernier album les rappeurs de Staten Island, le Wu-Tang Clan. Parce qu'en ce moment, quand tu dis au premier secrétaire du PS « t'as vu ton clan ?», ben, son cœur pleure doucement. Alors, nous sommes toujours en direct du Mangin Palace, il est désormais 11h35 et nous avons décidé ce matin d'essayer de te démontrer qu'un authentique homme d'État doit savoir innover, autrement dit tenter des trucs pour la première fois afin d'inscrire son nom dans l'histoire nationale. Un homme d'État, digne de cette fonction, ne peut se contenter d'enfiler les charentaises de ses prédécesseurs. Une fois parvenu aux plus hautes responsabilités du pouvoir, sans cesse, il doit trouver des innovations politiques afin de marquer l'histoire de son empreinte. Louis XIV a choisi d'incarner au plus fort la monarchie absolue de droit divin. Napoléon, lui, s'est constitué empereur et a profondément réformé le pays. Quant à De Gaulle, il fut un temps l'homme du 18 juin face à la France de Vichy. Plus près de nous, Valéry Giscard d'Estaing, lui, a décidé que pour la première fois dans l'histoire, un président de la République irait dîner régulièrement chez le commun des Français. Eh ben ouais, c'était nouveau. D'ailleurs, Anémone et Valéry Giscard d'Estaing, ils s'en souviennent très bien de ce premier dîner. Sentez comme ça sent le feu de bois. Qu'est-ce que c'est mignon chez eux. Je suis sûr qu'il y a du jambon cru de montagne. Tu sais qui tue encore jambon cru eux-mêmes, hein. Ah, ça, c'est pas de la baguette, hein. C'est moi qui l'a fait. Bah, félicitations, elles sont bien rondes, vos miches. Ouais, bravo. Ah, ça, c'est une recette du pays. Ça s'appelle la fougue. La fougue. Et c'est quoi qu'il y a dedans, là? Ah, bah ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Alors, on fait macérer ça avec du gras et puis de l'alcool de bois pendant 2-3 saisons. Puis il y a les couennes aussi. C'est quoi les petits trucs blancs, non? Ça, c'est des vers. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi. Je suis végétarien. Ah bah oui, la première fois, ce n'est jamais facile. Ensuite, encore plus proche de nous, François Mitterrand a lui aussi tenté un truc. Il s'est dit, tiens, je vais devenir de gauche. Et comme ça, je serai le premier président socialiste sous la 5ème République. Et le 10 mai 1981... C'était la première fois. C'était la première fois. C'était la dernière fois aussi. Ah ben oui, c'était la dernière fois aussi qu'un socialiste fut élu président. Allez, encore 3 ans et ça fera 30 ans, dis donc. Alors bien sûr, maintenant, on a envie de décortiquer ce que l'actuel président tente de faire pour entrer dans l'histoire. Eh bien, primo, il faut reconnaître que pour la première fois, il a profondément renouvelé l'esprit de la présidence. Après les bronzés. Il me tire les poils, il me tire les poils. Après les bronzés font du ski. Chrono. Alors, combien? Vous allez adorer le troisième volet des bronzés actuellement en écriture. Les bronzés votent Sarkozy. Toujours des dialogues savoureux. Attends, mais moi je pense qu'on doit rétablir l'autorité à l'école. Mais bien sûr, avec cette insécurité qu'il y a dans la rue, faut réapprendre la discipline et la valeur du travail à nos têtes blondes. Bon, moi je suis de gauche, mais faut avouer, Sarkozy c'est un type exceptionnel, d'un dynamisme. Ah ouais, ouais. Les bronzés votent Sarkozy. Ensuite, Monsieur Sarkozy n'hésite pas à dépoussiérer les usages républicains. Tiens, jusqu'à présent, un conseil des ministres, ça se tenait uniquement à Matignon. Quelle tristesse! Eh bien maintenant, et pour la première fois, les membres du gouvernement n'hésitent pas à prendre le train pour aller à Strasbourg afin d'assister au conseil des ministres délocalisé. Et attention, grosse ambiance dans le wagon! Dites-moi, petite, vous avez déjà voyagé toute seule dans un compartiment avec 5 mecs comme nous? Et puis, toujours dans cet esprit de rupture et d'innovation, afin qu'avec lui, tout devienne une première fois, l'imagination de M. Sarkozy foisonne d'idées inédites à l'encontre des archaïsmes sociaux notamment. Il y a quelques semaines, par exemple, il s'est rendu au Vatican, accompagné de Jean-Marie Bigard, là encore une innovation, afin qu'ils testent ensemble un projet novateur, une première, dont Nicolas nous explique l'essence. Le dialogue social, il est constant. Tous les ans, vous donnez une prime de fin d'année. Le système n'est-il pas archaïque? Et pour l'entreprise, n'est-ce pas un manque à gagner? En effet, en effet. Alors, n'y a-t-il pas d'autres idées à trouver? Eh bien, pourquoi ne profiterions-nous pas du camion qui va à Rome pour vous faire profiter des JMJ. La bonne idée. Alors, on a dans le fond du camion, on vous a installé un petit coin et vous avez passé votre voyage. Alors, il paraît que JMJ, alors il paraît... On a rigolé. Il paraît que c'était... Le délire. Voilà comment le dialogue social peut avancer. Et pourtant, malgré toutes ces innovations incroyables, M. Sarkozy pense qu'elles ne suffiront pas à le faire entrer dans l'histoire. C'est pourquoi Nicolas a décidé d'aller encore plus loin dans l'expérience des premières fois. Le plus grand plaisir que je continue à éprouver, même quand je suis malheureux, que je me suis encore foutu dans une impasse, que je ne peux plus bouger, y a un truc qui vieillit pas, c'est l'étonnement. Quand je mets ma main dans la culotte d'une fille que je ne connais pas pour la première fois, à chaque fois, ça fait peur. C'est toujours différent. Et puis, c'est tellement bizarre. C'est pas du donjuanisme, parce que j'ai pas couché avec tant de filles que ça. Mais c'est ce moment-là qui fait que tu sens que t'es en vie. Les gens bidonnent, te racontent que c'est toujours pareil, un con. Que les garçons c'est différent et que les filles c'est pareil. Les filles c'est tellement précisément différent là, à chaque fois. C'est pas seulement de la fidélité. Il y a des filles, même si tu les connais, hein, chaque fois que tu mets la main, tu sens que c'est bizarre à gagner. C'est dur à expliquer. Bon, ben, résultat, première fois qu'un président de la République divorce. Mais bon, dans la foulée, rien n'arrête Nicolas, qui visiblement a décidé qu'après lui, il n'y aurait plus de première fois possible. Carla, il faut que je te voie. Carla, toi, tu me comprendras. Cela dit, il semblerait que pour la première fois, les innovations fracassantes de M. Sarkozy commencent à titiller une majorité de l'opinion publique. Du coup, pour la première fois dans les sondages, notre Premier ministre est moins impopulaire que notre président. Et du coup, pour la première fois, François Fillon se met à rêver et réfléchit lui aussi à trouver des innovations pour la continuation de son destin. Quand je serai calife à la place du calife, faudra un surnom qui soit représentatif. Quelque chose de noble mais surtout jouissif, un truc bien incisif. Enfin bon, nous n'y sommes pas encore. Reste encore plus de 4 ans, voire 9, à Nicolas pour tester tout plein de premières fois. Et puis, ce serait bien la première fois qu'un Premier ministre en exercice succède à son patron. Cela dit, regonflé par ce regain de popularité, il paraît que M. Fillon, inspiré par la geste sarkozienne, s'est retrouvé pour la première fois cette semaine dans un restaurant un matin. Dans un restaurant un matin, je fis connaissance d'un petit trottin à l'air mutin. Elle m'avait plu, je le confesse, parce qu'elle avait de très belles dents. C'était tentant. Profitant d'un moment propice, je glissais ma main sous la table d'un air aimable. Tout en ramassant ma serviette, je lui fis un tout petit peu la cour. Ce fut très court. Pendant que je me réjouissais, auprès de moi la petite demanda un autre plat. Puis elle me dit, où c'est que t'habites? Tu dois avoir une belle demeure, très supérieure. Je lui dis, j'ai même un grand balcon, si tu veux m'ouvrir ton petit cœur, ce sera le bonheur. Entendu qu'elle me fait ses promis, puisque t'as fini de faire la monnaie, fausse dépinée. Pendant que le taxi s'ébranle, je lui dis, je voudrais que tu me racontes, sans fausse honte, ce que tu fais comme métier, et si tu prends souvent de l'argent, c'est épatant. Oh, je ne travaille pas sur l'enclume, seulement quelquefois je taille des robes, mais je me dérobe, car dans ce métier on se dispute, et je préfère faire la modiste. C'est plus artiste. En arrivant au Batignolles, elle me prit par les roues flaquettes. C'était pas bête. En rentrant chez moi tout à coup, elle me dit, avant de tirer le rideau, mon petit coco, Faut que je te le dise, on m'appelle Luce. Je réponds alors, faut que tu m'embrasses à cette place. Et en voyant ses yeux de braise, je lui dis, viens ici, que je te dise quelques bêtises. Mais un jour, pour me damner le pion, elle partit me laissant des dettes. C'est pas honnête. Elle m'avait bien pris pour un sot, pourtant je ne suis pas pudibond. Oh, pour ça, non. Depuis, je m'en arrache les tifs, regrettant mon cache-poussière. Quelle triste affaire. Comme j'ai le caractère aigri, je ne porte plus que de longs gants noirs par désespoir. Messieurs, il faut que vous le sachiez. Des femmes comme ça vous font de la peine. Voilà notre veine. Elle fouille d'abord votre pelisse et puis vous laisse une rancœur au fond du cœur. Moi, je vous le dis, il n'y a rien de tel. Vaut bien mieux aller au théâtre. C'est plus folâtre. Malgré que je ne sois pas puritain, méfiez-vous de ces souvenirs qui font souffrir. Alors voilà l'aventure galante, cette drôle d'histoire que nous contait le malicieux Fernandel en 1968. Année où pour la première fois, Cohn Bendit allait nous montrer sa verve dans l'espoir de jouir sans entrave, puisque souviens-toi, désirer la réalité c'est bien, mais réaliser ses désirs c'est mieux. Oh là là, oh ma mère. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, oh là là là là. Alors, pour prolonger notre pérégrination improbable dans le monde original des premières fois, il est grand temps maintenant à 11h47 de retrouver nos deux héros récurrents, les merveilleux Monique et Jean-Claude, qui en effet, le week-end dernier, ont été confrontés à la nouveauté. Tout a commencé dimanche dernier quand, de bon matin, Monique a décidé de se lancer un défi. Elle a voulu épater le Jean-Claude en lui préparant un délicieux repas, une première. Pour l'occasion, elle a mis son plus beau tablier et sous le regard bienveillant du Jean-Claude, Monique, pleine d'appréhension face à cette nouveauté, a scrupuleusement suivi la recette. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four. Monique prépare donc sa pâte pendant que Jean-Claude lui tient la jatte, puis elle allume son four. Elle est très fière, Monique, de sa première, sauf que voilà, quand elle sort le plat du four, Jean-Claude a beau lui dire qu'elle ne se débrouille pas si mal, Monique, elle vit douloureusement son échec. Mais non ! La bouffe non plus, je sais pas la faire, arrête ! Ne dis pas que je me débrouille pas si mal, c'est horrible de dire ça. Ça m'humilie. Tiens, là, j'essayais de faire cuire un truc. C'était marqué « Égayez vos soirées d'hiver pour débutantes ». Tu mettrais le nez dans la casserole, ça t'égayerait pas, crois-moi. Moi, ça me donne envie de chialer. Ça aurait dû être un sabayon de truffe à la moussaka. En fait, on dirait du débris de caniveau lyophilisé avec des bouts de zan dedans. Et ça sent pareil. Quand c'est marqué pour débutante, c'est déjà trop fort pour moi. Faudrait pour conne, je sais pas si ça existe. Jean-Claude conteste, mais non, t'es pas conne. Et puis, ce n'est pas grave d'avoir loupé ce sabayon-là. Jean-Claude lui conseille d'aller jeter son truc dans les toilettes. Et dès que Monique a le dos tourné, Jean-Claude regarde vers le haut du placard, là où sont rangées les nouilles. Parce qu'on sait jamais. Ainsi donc, en attrapant ses nouilles, rangées au haut du placard, Jean-Claude sait qu'il va sauver sa peau et éviter les nouvelles expériences culinaires de Monique. D'ailleurs, de son côté, Monique est un peu emmerdée. Son sabayon de truffe à la moussaka, et à la consistance si particulière, a complètement bouché les WC. On est dimanche et Jean-Claude accepte le défi. C'est la première fois qu'il le fera, mais il va le faire. Il débouchera les WC. Monique est subjuguée. Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Boîte à outils, boîte à outils. Et en effet, Jean-Claude le bricoleur, en allant déboucher les WC obstrués par le sabayon de Monique, se sent très à l'aise dans ce rôle qu'il endosse pour la première fois. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ces toilettes, c'est vrai quoi? C'est toujours bouché, je demande vraiment ce qu'il y jette, ce qu'il peut bien traficoter. Y'a tout de même quelque chose de pas net, il va falloir tout vérifier, mais je vais pas me casser la tête. Surtout que c'est la fin de la journée, plombier, fais ton boulot. Et Jean-Claude fait donc son métier. Couché derrière les WC, il tente en vain de déboucher les canalisations. Au bout de plusieurs minutes, et après avoir provoqué quelques fuites, Jean-Claude abandonne et se redresse. Et là, c'est le drame. Car en se relevant, le regard de Jean-Claude croise un miroir. Criez au secours, viens vite mon amour, viens le voir ce salaud avant que je l'arrache. Regarde-le bien à la lumière du jour. Ça fait une balafre, ça fait comme une tache. Demain à coup sûr, débarquent ses petits frères. Dans 6 mois peut-être, on m'appelle Crin Blanc. Troisième âge arrive, ça y est, c'est l'hiver. Moi qui croyais vivre l'éternel printemps. Putain de cheveux blancs, putain de cheveux blancs. Monique se précipite et regarde avec effroi ce premier cheveu blanc de Jean-Claude. Ainsi donc, pour Monique et Jean-Claude, la journée est dense en premières expériences. Tous les deux sont ravagés par leurs échecs et se souviennent avec nostalgie du temps où leurs premières expériences les faisaient vivement vibrer alors qu'aujourd'hui, la nouveauté les effraie. C'est sur ces atermoiements que sont arrivés Rémi et Elsa, les enfants de Monique et Jean-Claude, bien sûr, qui, malgré leur jeune âge, ont tiré une morale des expériences ratées de leurs parents. Moi sur ton chemin. Ce serait donc ça le secret. Pour une première expérience sur le chemin de la vie, il vaut mieux être accompagné. Voilà, fin de l'histoire. Monique reste malgré tout un peu chagrinée de son échec dans la cuisine. Mais peu importe, ils mettront les nouilles du Jean-Claude dans la jatte de Monique. Ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas. C'est toujours comme ça, la première fois. D'abord on dit rien, puis on se dit tout. On a peur des chiens et on a peur du loup. Et tout là-haut, tout comme un drapeau, flottait ta chemise, ta jupe et tes bas. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. Comme on était fatigué, on s'est allongé. Comme on était allongé, je t'ai enlacé. Et comme je t'enlaçais, tu t'es indigné. Et comme tu t'indignais, je t'ai expliqué. Ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas. C'est toujours comme ça, la première fois. D'abord on dit rien, puis on se dit tout. On a peur des chiens et on a peur du loup. Et tout là-haut, tout comme un drapeau, flottait ta chemise, ta jupe et tes bas. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. Pendant toute la journée, je t'ai expliqué, je t'ai appris à compter 5 à 6 péchés. Tu avais si bien compris que quand va la nuit, comme je tombais épuisé, ben tu m'as expliqué. Ne t'en fais pas, non ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça la première fois. D'abord on se croit plus fort que le loup, puis les bras en croix, on ne tient plus debout. Et tout là-haut, tout comme un drapeau, flottait ta chemise, ta jupe et tes bas. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois.